dizer que chose, petit de mille. De prolonger la nuit, hein Titi? Ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de goût. Deux, trois phrases pour enregistrer surtout.